Je suis Duncan MacLeod, né il y a près de 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Je suis immortel, tout comme une poignée d'élus. Des siècles durant, nous avons attendu l'heure de l'ultime combat, au terme duquel l'épée qui tranche une tête libère le Quickening, la puissance de l'éclair. À la fin, un seul d'entre nous survivra. Salut, bienvenue dans ce quatrième épisode de Highlander, la série, la fameuse série avec Adrien Paul. Rewatch complet de la série, nous en sommes au tout début. On est au début, saison 1, épisode 4. Jusqu'ici, mes souvenirs étaient bien au-delà au niveau qualité que la réalité que je constate à chaque épisode jusque maintenant. On en est qu'au quatrième épisode donc. Pas d'inquiétude, à mon avis, ça va s'améliorer avec les saisons, les budgets qui vont augmenter. Je m'en fais pas trop, mais il y a des trucs assez lunaires quand même. Alors, juste avant de démarrer ce quatrième épisode, juste petit erratum. Donc dans l'épisode précédent, je disais qu'il n'y avait pas de combat entre Kim Soon et MacLeod. Il y en a un, hein, simplement il n'y a pas de quickening à la fin. Pas vraiment de danger de mort pour l'un ou pour l'autre. C'est vrai que j'avais oublié ce petit détail, tellement le combat est rapide et sans trop d'intérêt, quoi. Épisode 4, coupable d'innocence, ce qui ne veut absolument rien dire. En anglais, Innocent Man, tout simplement. Réalisé par Montesi. George Montesi l'avait réalisé le premier épisode déjà. Donc peut-être un épisode de qualité, puisque le premier, alors il y avait des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, disons qu'au niveau de l'écriture, plus que dans les plans, la réalisation vraiment brute, ça se tenait, c'était assez classique, ça allait. Après le reste, bon bah voilà, années 90, soyez chic. Petit spoiler, sachez que cet épisode, je l'ai plutôt apprécié. Un peu au second degré parfois, mais régulièrement au premier degré. Alors la première scène, voilà, la scène d'ouverture de l'épisode, ce sera pas la meilleure scène de la Terre. Vous avez donc déjà Monsieur Vincent Schiavelli qui joue Leo Atkins dans cet épisode. Vincent Schiavelli, en fait, alors je sais pas qui vous voyez, il avait un visage vraiment très particulier. Je parle de lui au passé parce qu'il est décédé en 2005 à l'âge de 57 ans, cancer des poumons. Rip à lui, mais il avait une tête vraiment très particulière dans les années 80-90. On le prenait pas dans les rôles de beau gosse, disons. Il a les yeux tombants, une bouche tombante, il fait un peu peur. Il a joué dans pas mal de films. Il a joué dans Amadeus, il a joué dans Batman le défi, Larry Flint, Demain ne meurt jamais, vous voyez, grosse carrière quand même. Moi je me souvenais surtout de lui dans Ghost. En fait, vous voyez, quand Patrick Swayze, il apprend dans le métro à taper dans les objets, dans les canettes, etc. Et ben, il y a un fantôme qui lui enseigne tout ça, donc son mentor. Sors de mon train. C'était Vincent Schiavelli. Vous savez tout. Là, il incarne donc Leo Atkins. On le voit dans une sorte de petite scène un peu un peu burlesque. Ça n'a absolument aucun sens. Il pousse son caddie. Bon, on comprend très rapidement qu'il s'agit d'un sans-domicile fixe, hein, qu'il a un peu du père, il a un peu fumé dans sa tête. Il est habillé avec une veste d'ancien militaire, donc vu sa tronche, etc., l'âge, on se devine que c'est un ancien de la guerre du Vietnam. C'est un peu aussi le sujet de cet épisode, c'est le traumatisme de la guerre sur les personnages de la série, donc lui et puis un autre un peu plus tard, on en reparlera le moment venu. Et aussi un peu le passé de l'Amérique, attention au gros programme. Donc là, voilà, je vous fais écouter bien sûr notre cher Leo Atkins. Hey, c'est de la désertion ça, salaud. Je vais leur coller un rapport. Ah ça vous pouvez me croire, je m'en vais faire un rapport auprès du département des transports civils. Voilà, c'est complètement avec une musique à la con, on se fout bien de sa gueule. D'ailleurs, ce genre de personnage, on le verrait plus dans des séries, dans les grandes villes, New York, Chicago, je sais pas, des grandes villes en tout cas. Là, on le voit au milieu de la forêt, sur la route, il dit qu'il est à la campagne, etc. Bon, bah, on sait pas trop ce qui se passe. On le voit avancer, il voit des éclairs un peu bizarres, en fait, comme par hasard, voilà, il s'approche. Il y a un quickening en cours, dans une cabane, comme un petit chalet au milieu de la forêt. Il va s'approcher parce que, bon, voilà, il est pas très... il a pas l'air très futé. En tout cas, s'il a été futé, il ne l'est plus aujourd'hui. Il voit un homme décapité sur le sol et une épée, il la prend dans les mains et à ce moment-là surgit un flic qui semble être le shérif au vu de l'étoile sur son poitrail. Et du coup, tout de suite, il va l'arrêter et le suspecter du meurtre de la personne qui venait de se faire décapiter. On sent tout de suite que le shérif est méga suspect, c'est pas très fin, hein, y a pas... voilà. D'ailleurs, pendant tout l'épisode, le méchant interprété donc cette fois-ci par John Novak, qui incarne donc le shérif Howard Crowley, aujourd'hui qui a 66 ans et qui est surtout un très gros doubleur de dessins animés, y compris par exemple, alors moi je connais pas évidemment parce que je suis un boomer, mais Ninjago, apparemment il y a déjà 11 saisons. Bah, il a joué un personnage récurrent pendant les 11 saisons qui est Hypno-Braille Général. J'ai pas d'autres trucs à trop vous raconter sur lui, mais sachez qu'il interprète donc le shérif Howard Crowley qui est encore une fois un gros clin d'œil à Terminator, mais je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas, il y a un des réals, voilà, il a vraiment, bon en même temps Terminator c'est super marquant hein, comme film, ça a marqué des générations. Surtout le 2, le 1 et le 2, quoi. La paire de films incroyables avec notre cher Schwarzenegger. Et donc là, le shérif est méga inspiré du flic du 2, qui joue le Terminator, le T-1000, je crois que c'est ça. Je suis pratiquement sûr que c'est le T-1000, et qui se transforme en liquide, etc. Donc là, vous voyez, la posture un peu super droite, le regard froid, les cheveux bien plaqués en arrière. L'habit de flic, un peu raide quand il marche, méchant. Ça enchaîne sur notre cher Duncan MacLeod qui se balade en forêt en voiture avec Tessa. Je t'adore, il manque de la musique. Tu as raison. Ah, oh, c'est horrible. Ah, oh, t'es vraiment vieux jeu. Oh, c'est bon, je dois avoir l'air d'une folle. Tu es magnifique. Non. Ah, tu veux bien laisser ça? Mais non, attends. Ils disent de la merde comme d'habitude, mais... comme ils sont en train de rouler, apparemment, ils sont pas en train de baiser. Je sais, c'est étonnant. Mais apparemment, ça peut arriver. Ils vieillissent, hein. Surtout Duncan. On comprend qu'ils sont dans la même région et que Duncan, en fait, est invité par son ami Lucas à venir lui rendre visite, etc. Au moment du quickening, petit zoom sur le visage de Duncan MacLeod. Il apprend par télépathie d'immortel. On l'a tué. Comment peux-tu en être aussi sûr ? Il est mort. Ta gueule, c'est magique, que son pote est mort. Du coup, il back, il se barre, pour pas mettre Tessa dans la merde avec lui. Il a un peu d'aigu, il a l'air de tenir à cet ami-là. Je sais pas combien de reprises il l'a vu, on verra un peu, il y a quelques flashbacks un peu plus tard dans l'épisode. Il rentre à Seacouver, il dépose Tessa, il prend Richie, parce que voilà, il faut des hommes virils pour pouvoir venir à bout d'une enquête policière. Et du coup, il prend Richie avec lui et boum, ils repartent dans la ville où habitait Lucas pour enquêter sur sa mort, voir qui l'a décapité. Même s'il sait, Duncan sait que c'est un immortel, évidemment. Hein. Il n'y a pas d'autre raison, ce serait un sacré hasard, disons. Et c'est alors que l'on retrouve notre cher ami, le flic. Il n'y en a qu'un, hein, moi je ne sais même plus son nom, mais le flic qu'on va voir à chaque épisode, qui va toujours croiser la route de Duncan MacLeod et de Richie, comme d'habitude. Et ben là, il est dans la fameuse ville. Alors, je ne sais pas le nom, je sais plus le nom de la ville dans laquelle se passe cet épisode. Une ville de campagne, hein, vous voyez, au milieu de la forêt. Un trou bien perdu. Hein. Avec une ambiance, vous le verrez, assez sudiste. Et donc cette affaire de décapité a déjà fait le tour du comté. Et notre ami le flic de la ville, eh ben, il a une affaire similaire. Bah oui, celui du décapité sur le pont, vous savez, c'est celui du premier épisode, que Duncan MacLeod tue. Et du coup, Un deuxième décapité autour dans la campagne proche de Seacouver, il va voir échanger des notes avec son pote le flic. Bon, pas de bol. C'est très probablement le coupable, le shérif, mais bon, voilà, il le sait pas encore. Lucas Désiré, il était très solitaire, vieille souche sudiste. C'est marrant qu'il soit venu s'installer dans la région. Ses ancêtres avaient peut-être bien acheté quelques-uns des vôtres, qui sait. Howard Crowley interroge avec le flic de la ville ce cher SDF. Et puis, ils mettent la pression. Ils jouent au mauvais flic et mauvais flic, apparemment, au début. Et ça tourne en mauvais flic, bon flic. C'est un peu étrange comme façon de faire. C'est un interrogatoire assez gênant, c'est assez naze. Nous sommes ici pour t'aider à te rappeler ce qui s'est passé dans cette fameuse cabane. Oui, c'est vrai. Et vous étiez là, au Vietnam? Oui, et je suis sûr que c'est aussi ce que tu croyais. Tu étais en train de patrouiller, c'est ça, Léo? C'est ça, oui. Tu voulais inspecter la cabane. La cabane? Et tu y es entré avec ton épée. J'avais pas d'épée au temps du Vietnam. Tu viens de dire le contraire. Nous n'arriverons jamais à t'aider si tu n'y mets pas un peu du tien. Mais notre ami, le flic de la ville, comprend assez vite que le SDF est complètement fumé à cause de la guerre du Vietnam, que lui a même vécu la guerre du Vietnam, qu'il n'y a aucune once d'agressivité dans cet homme. En parallèle de tout ça, Duncan arrive dans la ville avec Richie. Ils vont devoir faire diversion afin de pouvoir toucher deux mots au SDF en question, donc Léo. On va l'appeler Léo, hein, c'est son prénom quand même. Et donc pour pouvoir parler à Léo, Richie va faire son boulet en se garant comme une merde et en provoquant limite un flic, et il va se faire arrêter. Est-ce que vous faites bien ce que je crois? Monsieur l'agent, j'ai perdu mes clés. Et pendant ce temps-là, Duncan va se glisser pour aller parler à Léo. On a le droit à un premier flashback. Il y en aura deux dans cet épisode. Nous sommes dans une ambiance guerre de sécession. Donc le sud et le nord. Pour rappel, la guerre de sécession, c'est... Alors, de tête, hein, j'ai pas fait de recherche sur Wikipédia, moi je vous abreuve du savoir que j'ai déjà dans mon cerveau. L'Amérique divisée en deux, au nord, il y a les gentils qui veulent la libération, l'arrêt de l'esclavage, liberté pour les Renois, quoi. Et au sud, c'est des fils de pute. Les fils de pute qui aiment bien les esclaves parce que c'est vrai que c'est pratique. Si t'as le droit de les buter, quand ils veulent pas faire le taf que tu leur demandes de faire et que tu les payes pas en plus... Aujourd'hui, les sudistes, c'est tous les managers et chefs d'entreprise, tous les CEO de la Terre, c'est les héritiers de cette époque sudiste de fils de pute. Salut à vous tous les chefs, hein, je vous pisse tous dans la bouche. Et donc Duncan, forcément, il est pro-nordiste, c'est un gentil, et du coup là on le voit, il est en train de creuser, il voit un pote à lui qui creuse avec lui un trou pour enterrer des cadavres apparemment, qui est en train de mourir, il fait s'il vous plaît aidez mon ami, il a soif, et puis t'as des gros fils de pute de sudistes autour qui font ouais vas-y mange tes morts. Là on voit arriver le nouveau perso, donc on devine être Lucas Désiré. Qui va calmer le jeu, mais qui va laisser les autres pendre Duncan MacLeod. Donc ça sera dans le deuxième flashback. Duncan va faire libérer Ichi, ils font chou blanc, mais il sait que c'est pas le SDF qui a tué son ami. Ils ont pas trop d'indices là-dessus, même si le shérif est apparemment arrivé un peu trop vite sur la scène du crime. Duncan et Richie se rendent dans le bar du coin, rempli apparemment de gros beaufs avec des chemises à carreaux aux manches courtes. Sachez que les manches courtes en chemise, c'est un crime contre le bon goût. Il y a un mec qui fout la pression à Duncan, qui se fout de sa gueule, qui essaye de lui mettre une patate. Duncan le chope et tout, et il lui pète même pas le bras ou quoi, il reste sympa et lui explique « Excuse-moi, mais voilà. » « Je déplore que les puits soient taris, que la scierie soit fermée, que le grain soit perdu ou que votre vie ne soit pas celle que vous espériez. Un de mes amis s'appelait Lucas Désiré. Je suis venu découvrir qui l'a tué. » Il est un peu trop gentil, tu vois. On sent la sagesse accumulée au cours des 400 dernières années. Petit instant cocasse, l'instant Richie, hein, on va l'appeler comme ça, l'instant Richie où il prend sa commande. « Avec du beurre ?» Surtout du nature, hein, pas de la léger. Si vous comptez me filer de la léger, n'y pensez plus. Et je voudrais que ce soit servi accompagné d'haricots verts et de frites croustes. Attendez, vous savez quoi? Je crois que je vais faire une folie. Mettez tout en double. Bref, on revoit un peu à nouveau notre flic de la ville qui voit avec le shérif Crowley. Lui dit il sait que c'est pas lui, il sait que c'est pas Leo Watkins qui a tué l'autre mec. Du coup, il va lui soutirer, il va prendre Léo avec lui et puis il va l'emmener à la ville pour faire peut-être d'autres tests ou un autre interrogatoire, etc. Bon, évidemment, le shérif Crowley est persuadé que c'est ce pauvre petit con de Léo. Mais bon, pour ça, c'est parce que ça l'arrangerait bien. Et c'est alors que nous avons un deuxième flashback incroyable où on va en plus en apprendre sur les débuts d'amitié entre Duncan et pas Léo mais Lucas. En fait, Lucas désirait laisse ses hommes le pendre, Duncan quoi, mais il le sauve après. Il le sauve parce qu'il sait que, voilà, comme ils ont leur détecteur à immortel, ils se regardent. Tu vois, genre, je t'ai regardé, il m'a regardé, etc. Si j'étais pas passé aujourd'hui, vous seriez resté un moment dans ce trou. Certains profiteraient de l'occasion pour me décapiter, Lucas. Certains en profiteraient, l'ami. Mais t'es désagréable de le laisser vous pendre, même sachant ce que je savais. Et il lui refile ses fringues, ses affaires, et puis il lui dit, bah vas-y, si tu continues par là, tu seras hors de danger, quoi. On sait pas trop s'ils se sont recroisés depuis, comment ils ont réussi à garder leur numéro, leur contact. Duncan, vous le voyez pas, il a une de ses staches mous. Oh, de l'espace, incroyable. Après une bonne bouffe, on a Duncan et Richie qui sortent du resto, hein, retour dans le présent. On a tous les sudistes, bah ouais, tous les gros nazis de la ville qui veulent leur péter la gueule. Notre ami le shérif Crowley est quand même super sympa et il leur dit de dégager quoi. Je ne crois pas vous connaître, l'ami. Je sais qui vous êtes. Si vous êtes venu chasser, la saison vient de débuter. Il empêche les péquenauds de leur taper sur la gueule. Mais bon, voilà, première rencontre entre le shérif Crowley et Duncan, donc deux immortels à nouveau face à face. Aucun doute sur le fait que l'un sait que l'autre est le coupable, voilà, et vice versa. Scène ensuite un peu étrange où le flic de la ville embarque Léo et pour le ramener à Seacouver. Et il se fait arrêter par une bande de cinglés avec des sacs blancs sur la tête, façon Klux Klux Klan, mais sans le côté aérodynamique. Mon Dieu, bah, je vois que dalle à travers ce champ. Là, de nulle part, on a Duncan MacLeod qui débarque face à des mecs armés de flingues et tout. Forcément, il a pas peur, il sait qu'il peut pas mourir. Mais bon, il devrait un peu plus le cacher. Il fait un jet de dés en charisme. Réussite critique, puisque les mecs, malgré leurs armes et tout, bah, ils se dégonflent et ils se barrent. Tu l'es ? Va jusqu'au bout ? Le gamin, les reporters, l'officier de police, moi ? C'est l'idée que vous faites de la justice ? Allez-vous-en ! C'est terminé ! On se casse, les gars. Épisode quasi terminé, je sais, je sais. Et c'est au lieu du premier quickening de l'épisode que ça se termine, donc face à face entre Duncan MacLeod et Howard Crowley. Commencez à me plaire ici. Maintenant, je dois repartir. Mais vous, vous resterez ici. Ça, c'est vous qui êtes. Avant de vous parler de ce duel, sachez que Howard Crowley donc, est né en 1901. Donc il a un peu moins de 100 ans. Il est né à Des Moines dans l'Iowa. Il meurt en février 1945, le premier jour de l'invasion de l'île japonaise de Iwo Jima. Et c'est là donc qu'il devient immortel. Et c'est à cette occasion, Crowley rencontre Wayne Guthrie, hein, qui est un autre immortel, et qui va lui enseigner pourquoi t'es immortel. Bon, on sait pas trop, mais voilà. Il ne peut en rester qu'un, je te conseille largement de te mettre à l'escrime assez vite. Donc sa stratégie, parce que oui, chaque immortel a un peu sa stratégie pour survivre et se protéger de ses pairs. Donc là, sa stratégie à lui, alors moi je vous lis le wiki fandom, hein, je me cache pas. La stratégie de Crowley était s'installer dans des petites villes, souvent en tant que shérif, pour rechercher et défier les immortels locaux. C'était ce qu'il fit lorsqu'il était shérif à Lovestone, dans l'état de Washington, en 91. Un an plus tard, il fut buté à Steve Stone, et fit la connaissance de Lucas Désiré, qui s'était retiré du jeu et qui vivait reclus dans une cabane dans la forêt. Voilà, cible idéale. K s'était retiré comme Duncan, en retraite, il voulait qu'on lui foute la paix, il en avait marre de tuer des immortels. Ça le faisait plus marrer, quoi. Sachez que l'acteur John Novak réapparaîtra deux fois dans la série et qu'il interprétera pas du tout les mêmes personnages. Les réalisateurs comptent sur le fait probablement que les gens ne se souviennent pas de sa tronche. Après tout, pourquoi pas, dans les films relativement récents, assez récents. Django, c'est plus si récent, mais ouais, vous avez un acteur qui joue deux rôles. D'ailleurs, par contre, ça se voit parce qu'il n'y a pas énormément de personnages dans Django. Mais le mec, il joue deux personnages. Un des deux frères au début à Dos de Cheval, au tout début de Django. Hein, vous voyez, je pense que vous voyez si vous l'avez vu. D'ailleurs, il se fait tuer, et puis après, on le revoit un peu plus tard comme garde du corps de Leonardo DiCaprio, quoi. Après ce petite présentation de Howard Crowley, bah, place au combat, place au duel, le duel. Et ben, vous savez quoi ? Bon combat à l'épée. Bon combat à l'épée, parce que Adrien Paul, sachez que pour la série, quand même, il a étudié les arts martiaux en tout pendant 7 ans, et qu'il a fait des entraînements intensifs de maniement du katana japonais. Voilà. Mais sinon, Adrien Paul, il est péchu en kung-fu, il est péchu en taekwondo, en wing chun et en boxe. Ouais. Et ça se ressent, donc. Quelques échanges, bim, bam, boum, on est dans la forêt, ça se tape dessus, dès que ça tape dans un truc un peu ferrailleux, il y a des étincelles de ouf, il y en a peut-être un peu trop. Ils en rajoutent des caisses, le bruit des épées qui s'entrechoquent résonne à mort, mais bon, c'est pas grave, ça fait son petit... Voilà, ça fait plaisir. Et on se rend compte que, assez vite, le duel est pas du tout équilibré, en fait, Duncan, il est infiniment supérieur à Crowley à l'épée. En même temps, il y en a un qui le pratique depuis moins de 50 ans. Duncan, ça fait 400 ans qu'il se bat à l'épée, donc il est cheaté, le mec. Bim ! Duncan blesse grièvement Crowley, il se met à genoux. Crowley le regarde d'un œil et lui fait « À l'avenir, je n'oublierai pas de laisser vos amis vivre en paix. »« Quel avenir ?» Et c'est là qu'on sent bien que Duncan, bah, ça a beau être un good guy, il a une moralité relativement loyale bon, c'est un décapiteur quand même, c'est un décapiteur de mec. Du coup, faut pas le faire chier, parce qu'il voilà, il est plus en retraite, il a repris l'ultime combat, et son but c'est de, bah, c'est de gagner quoi, c'est d'être the last one. Quickening. Dans l'épisode précédent, je vous disais, bah, vos histoires de potions, de super soldats, d'armées, etc., c'était un peu trop tôt. Et bah voilà, voilà un peu ce dont je parlais. Un face-à-face, deux immortels qui se trouvent, qui se reniflent un peu le fion, ça finit en duel à l'épée, il y en a un qui gagne, et c'est tout, voilà. Classique, mais très très bon. Enfin, très très bon. Toutes les apparitions de l'acteur, justement, de Vincent Chiavelli, donc Leo Atkins, il passe toujours pour... Enfin, au début, il passe pour un débilos, après, pour un traumatisé de la guerre, et à la fin, pour un mec plutôt sympa, qui mériterait une seconde chance. Mais ça sonne assez faux, peut-être aussi à cause du doublage qui est un peu abusé pour Léo. Mis à part quelques petites scènes comme ça, et la scène de l'interrogatoire, dans l'ensemble, ça va. Et on a quand même affaire à un épisode qualitatif. Et donc voilà, à la fin de l'épisode, on voit Léo qui est chez Duncan. Je sais même pas qu'est-ce qu'il branle là, en fait. Donc il est dans sa boutique d'antiquité, il veut lui vendre un vieux truc qu'il avait trouvé. Duncan lui enfile vraiment pour beaucoup trop cher. Et puis le mec, il le regarde genre, ouais, ok, je sais que je t'ai donné de la merde, tu m'as donné plein de pognon, t'es quand même un good guy. Voilà. Adrien Paul, Duncan MacLeod, le good guy. C'est la morale de cette histoire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 5. Alors l'épisode 5 s'intitulera Chute libre. Allez, salut !